L'ami Héloïse nous en a parlé lors de notre dernier podcorn et ça m'a décidé à le regarder avec mon Jojo. J'ai évidemment, et comme chacun de nous, une infinie tendresse pour Robin Williams et je voulais faire découvrir cet acteur à mon fils. Ok, Robin Williams est excellent et il porte le film sur ses épaules. C'est sans doute le seul de l'équipe à y croire, à cette histoire de polymère hyperactif. Et pourtant, le casting comprend deux seconds rôles, les habituels hommes de main abrutis qui font plaisir à voir. Clancy Brown et Ted Levine, le futur capitaine de Monk. Hélas, il livre là une prestation au ras des pâquerettes et en parlant de niveau faiblard, la réalisation est un ennui impossible. Aucune folie, pas la moindre petite étincelle ne vient égayer ce morne spectacle, pas même le mambo du flubber. En revanche, la partition de Danny Elfman, sans être magistrale, fait très agréablement le taf. Elle marque les bons moments et se fait discrète le reste du temps. Un dernier petit point négatif, les SFX, ils ont très mal vieilli et le design du flubber est vraiment. Encore une fois, ça manque de folie et c'est un petit peu un comble pour ce genre de film.